c'est une toute petite maison avec un beau grand gazon. Et je suis certain que si vous la voyez, hey, c'est Bobby Haché, hein? Tout à fait. Je pense qu'il a déjà fait une dépression, lui. Non, ben, je sais pas. Pas en faisant des tunes dans même certain. Bon, parce que... non, c'est positif. Hey, fait que là, Simon-Pierre, on a un show spécial ce soir. Oui, on est juste nous deux, fait que ça risque de donner quelque chose d'assez excellent parce que ça va être du vrai, de vrai 70% à 100%. Oui. À 100%, 70%. Ouais, c'est nous autres pour fait de vrai, que, de vrai. Ben là, on va suivre la tradition. Ben écoute, Tommy, OK, parfait. Ben non, vas-y, tu peux continuer à parler, j'ai rien contre ça. OK, ben en fait, c'est parce que je voulais saluer mon ami Jean-Patrice. Jean-Patrice, il travaille à la SPCA. OK. Il fait du bénévolat là-bas, puis il m'a invité en fin de semaine. OK. Puis c'est ça, je suis allé passer un bout là-bas, puis en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils ont reçu un beau petit chimpanzé. Un beau petit chimpanzé, puis bon, évidemment, c'était pour l'euthanasier, là. Oh. Puis ce qui arrive, c'est qu'avec les coupeurs, mais il était mignon, il était charmant. Avec les coupeurs, tu sais, ils ont arrêté de piquer les animaux, puis ils doivent absolument les passer dans la chambre à gaz. Hey boy, plusieurs ouais. animaux à la fois, là, jusqu'à temps que la pièce soit remplie. OK. Puis les chimpanzés, c'est comme les humains. Tu sais, ça a des émotions, ça a des sentiments, mais surtout, c'est très intelligent, ouais. En plus d'avoir des mains. OK. Alors déjà que tu sais pas si t'es nerveux, tu sais, puis en tout cas, quand le gars s'est mis à ramper dans la chambre là, il s'est mis à hurler, il paniquait, il criait, il se promenait partout, il prenait des chats, des chiens dans ses mains, il pitchait partout, il frappait à la porte, puis à la fenêtre, il essayait de sortir. Puis là, tu le voyais crier, puis il s'est mis à pleurer. Il essayait d'ouvrir la porte en forçant pognée, mais tu sais, t'es barré la pognée. Il pouvait pas sortir. Il était pogné, puis gaz, puis il commençait à suffoquer, puis à sentir la mort s'approcher. Fait que là, il nous regardait au travers de la fenêtre. Puis là, il avait le désespoir dans les yeux, là, tu sais, en espérant qu'on y ouvre la porte. Ben non, tu sais, on y a pas ouvert. En tout cas, fait que là, ça a fini, il pouvait plus respirer. Puis là, il est mort, puis son maître, il était assis à côté de nous autres. Okay. Puis lui, il pleurait, puis il pleurait encore, puis il avait l'air de regretter, là, comme il faut de l'avoir amené. En tout cas, c'était pas mal comique. C'est débile. Bon, on va continuer, on va écouter Plume la Traverse. Lui-ci, il en trouve des affaires comiques qui sont drôles à trouver comiques. Puis on vous revient pour un show entre nous deux à 70%. Simon, il est content. Il y a des gens outrés dans l'assistance ici. Bon, ben, à tantôt. Peut-être quelques chanceux parmi vous l'auront rencontré à tout hasard dans une taverne. C'est Carlos Labrosse. Non, c'est très, très véridique. C'est un bonhomme qui a fait une bien belle chanson, moi, à mon avis. Comme chanson qui veut dire ce qu'elle veut dire, là. C'est pas mal correct. C'est bien simple aussi. Ça s'appelle Chambre à louer. Mais pour vous introduire le personnage en question, le seul gars qui est barré dans tous les hôtels, tous les tavernes du Canada, Winnipeg, Vancouver, barré partout, je vais vous faire une espèce de pot-pourri de ses œuvres. Prendre une bonne gorgée, par exemple, si vous voulez bien. Excusez. Quand tout le monde s'est couché, moi je commence à chanter tout en tapant du pied. Mon père qui ne dort pas répète dans sa tête tout bas: il faut que j'aille jouer à balle avec mon gars. Il faut que j'aille jouer à balle sur le banc. Je frappe la balle, je la ramasse. Je me dis que pour pénitence, faut que je réchauffe le banc. À mesure que je grandissais, j'avais un idéal. C'était de jouer à la balle. Et lorsqu'il y a eu un grand changement, lorsque j'ai eu mon deuxième gant, je m'en alla. Un soir comme ça, moi l'inconnu, moi l'étranger, je cherche un coup de cocoute, un petit coin pour me réchauffer. Mais où est-il le nid si doux, le savez-vous? Chambre à louer, chambre à louer, chambre chauffée, meublée, située un œil, c'était là, mais pas pour moi. Je marche, il fait froid. Je n'ai pas de pain, mais faut bien que je marche parce que les autobus sont pleins. Mais où est-il le Nissi? D'où le savez-vous? Chambre à louer. Chambre à louer. Chambre avec le lit fourni. 48 Saint-Denis. Chambre à louer. Chambre à louer. Mais des chambres, y'en a, ils étaient là, mais pas pour moi. Oui, ça y est. Carburant. Moi, je mets pas d'alcool dans mon volant. Chantez, dansez, moi. J'écoute ma tête. Dansez, jouez-moi. J'écoute ma tête. Faut nous trouver bandeau dans son carburant. Moi, je mets pas d'alcool dans mon volant. Moi, moi, moi, j'écoute ma tête. Je m'étonnerai jamais de l'entendre, celle-là, vraiment. Là, c'est... Ouais. Vieille pub des années 80, je pense, une pub télévisuelle. Pour, hein. Oui, c'est une campagne du gouvernement pour nous convaincre que boire et conduire, ce n'est pas un bon mélange. En effet. Une chance qu'on a un gouvernement pour nous le rappeler. En effet. Bon. Tommy, au menu aujourd'hui, là, j'ai plusieurs nouvelles stupides, imbéciles, débiles, tout ce que tu veux. Bon. On a un décompte. Comme on l'a déjà fait, un décompte, oui. Il y a 5 positions à notre décompte sur un sujet que j'aime beaucoup. C'est mon préféré, celui de la religion et des accommodements raisonnables. OK. Ça devrait être popé. Et j'ai également le comic de la semaine. Bon, ben c'est parfait comme ça. C'est un vrai 70% comme dans le temps. Tout à fait. Un vrai 70% à 100%. Tu veux que je commence avec quoi? Tu veux des nouvelles connes ou Ben moi, j'aimerais te demander, c'est quoi tu veux dire par rapport le top 5 des accommodements raisonnables qui n'ont pas de bon sens, qui sont pas raisonnables? Ben, check ça. On commence avec ça. Avec la 5e position. Okay? Let's go pour ça. Alors, on va y aller dans l'ordre décroissant, tout dépendant de si on tient compte de la valeur numérique ordinale de la position ou de sa valeur. Bon, peu importe. Ouais. Alors, OK. En 5e position, ce sont les utérites qui ont le droit de refuser que leur photo figure sur leur permis de conduire. Ainsi en a été décidé par la Cour d'appel de l'Alberta. Alors. On voit que dans la Bible, c'est écrit « Tu n'auras point d'autre Dieu que moi, tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, ou au-dessous de la terre. » Alors ça, c'est le 2e des 10 commandements de Dieu, et la communauté utérite, qui compte environ 30 000 adeptes, ils ont un mode de vie plutôt austère, hein? Traditionnel. Ça doit être assez traditionnel, ouais. Tout à fait. Eux, ils sont surtout dans l'ouest du Canada. En tout cas, ils retiennent notamment qu'ils ne doivent pas se faire photographier. Jamais. Jamais. Alors, pour tenter de régler l'affaire à l'amiable, parce qu'ils veulent quand même conduire des chars, pour régler ça à l'amiable, le gouvernement albertain leur a proposé un permis scellé dans un étui, un peu comme le kirpan. Et ça, ça serait un permis que les utérites n'auraient donc jamais à regarder comme ça. Alors, ils ont refusé. L'Alberta a aussi proposé de ne pas imprimer la photo sur le permis de conduire, mais d'en garder seulement un exemplaire numérique dans un dossier. Informatique. Ouais, c'est... Alors, pour les utérites, par contre, ces deux solutions-là, ça ne changerait rien au fond de l'affaire. Et puis, dans un cas comme dans l'autre, il y aurait quand même à se faire photographier, ce qui n'est pas du tout raisonnable. Voyons donc, c'est quoi cette absence... Ça, c'est ton numéro 5? Ça, c'est le numéro 5. OK, ouais, je pense que je commence à comprendre l'angle de ce top 5, là. Ouais, c'est ça. Ils sont précieux. Ouais, c'est les non-sens, c'est l'absence de toute logicité, logisme, logique. Des accommodements déraisonnables. Exactement, ouais. Et bon. Pourquoi, comment dire ça, pourquoi est-ce que des comportements dans la société seraient inacceptables et puis que tout d'un coup, parce que c'est sous l'égide de la religion, ça devient, on commence à l'accepter. Il y a des numéros, là, un peu plus tard, hein, qui sont vraiment pas pires. L'espèce de political correctness que les gens se donnent des droits parce que Colin, ils ont le droit parce qu'ils sont comme ça. Tout à fait. Mais on avait parlé un petit peu avant Noël avec le culte de l'intimité, là, de c'était quoi? C'était Monsieur Lozach. Oui, ainsi Lozach, Fabien Lozach, ainsi qu'il y a Hubert Mention. Hubert Mention qui était venu, moi j'avais trouvé ça assez intéressant. OK. On est-tu rendu au moment où on écoute une chanson qui a plus d'allure que Plume qui s'est démenée juste avant? Oui, on fait ça avec, oui s'il te plaît, avec plus, en venant, on va faire des nouvelles et puis continuer du compte, le décompte. Et puis t'as sûrement du stock pour nous autres, j'imagine, Tommy? Ouais, ouais, j'ai des petits extraits comme d'habitude. Là, ça y va assez mollo tranquille. D'ailleurs, j'ai plugué un des previews du spectacle de visionnement qu'on va avoir tantôt ici à Choc FM dans les studios. Et puis bon, on va continuer comme ça. Tantôt, je vais mettre en fait le générique du début de Captain Planet. C'est excellent. C'est très, très bon. Mais là, pour l'instant, on va écouter What a Wonderful World. Avec, ah oh non, ça me tente pas. On va écouter Cheeseburger with Parasites à la place. Ça va être ma tonne douteuse la semaine. Puis j'ai une nouvelle tout en lien avec ça tout à l'heure. Bon, ben, tout après. On est à 100% à 70%. It's hard to defend my carnivorous habits. Everyone's a veggie these days. Gotta watch what I eat and avoid the red. It's clogging up my arteries, I'm putting on weight. Last night I had a terrible dream. Woke me up right out of my sleep. But when I pulled into the drive-thru to grab that treat, got a big warm bun and a bad piece of meat. Cheeseburger with parasites. It looked awful tasty, but something ain't right. Cola topped with an onion slice. Contribuant déjà de façon exceptionnelle au développement de la culture gastronomique des Nord-Américains, McDonald's est en train de mettre les dernières touches, la touche finale en fait, à son tout nouveau produit. Conte-moi ça, son tout nouveau produit, ça c'est le nouveau wrap super cool? Non. Son nouveau produit McDonald's? Son tout nouveau burger. Un nouveau burger McDonald's? Stopper les prices? Après le Quarter Pounder, accueillons... Le Third Pounder. Ah, oh, ben là, voilà. Le tiers de livre. Oh que oui. L'évolution un tiers de logique. Livre, monsieur. Un tiers de livre. De livre. Un tiers de livre de bon bœuf haché Angus entre deux pains. Hey, hein? Le tout pour un peu moins de 825 calories, taxes incluses, Tommy. avec les frites et la coke, ça fait 1000 excusez, avec les frites et le coke, ça fait 1700 calories, rien de moins. Hey, c'est apprécié, ouais. Hein, puis là on a-tu le combo jumbo là, quand tu me dis 1700, c'est genre le gros combo jumbo le trio standard, que j'ai pas poussé les recherches plus que ça. Par contre, bon, il y a trois variétés du Angus Third Pounder. Pour l'instant, c'est uniquement disponible dans le sud de la Californie. C'est déjà sur les tablettes. Ils vont amener ça bientôt en Nouvelle-Angleterre, ça va être bientôt disponible au Québec, là. Et éventuellement, ils testent ça. Je suis quand même allé, j'ai pas beaucoup d'informations, mais je suis allé sur le site web de McDo USA. Mmh. Et puis, au sujet du Third Angus, du Third Powder Angus, en tout cas, de ce cheeseburger-là. Mmh. OK, écoute bien ça. Le tiers de livre. C'est en anglais, je m'excuse pour les auditeurs qui parlent pas anglais, mais bon. How would you like some juicy 100% Angus beef to elevate the very idea of a burger? Well, our three new Angus Third Pounders provide new hope for our nation of beef lovers. There's a fresh new ingredients from the tender champignon sauté that make your mouth water, right down to the crisp rings of red onion so good you just might cry. There is finally hope for the meat lovers. For the nation of beef lovers. C'est quelque chose. Ça n'a aucun lien avec quoi que ce soit. Ben merci, moi je vois le lien avec le cheeseburger with parasites. Ouais, ta toune de tantôt, ouais, c'est ça. Je veux pas, il est assez évident. Hey, les sénateurs en finale, mon Simon, t'es-tu satisfait? Tout à fait. Danny Hitley, Alfredson, oui. Spedzer. Imbattable. Oui, c'est possible que la coupe revienne au Canada. Savais-tu qu'il y avait eu un tournoi de Rubik en fin de semaine passée au Canada? Rubik Cube, là? Oui, c'est le premier tournoi canadien de Rubik qui s'est passé à Toronto. À Toronto? Oui, il y a quand même des Américains qui se sont pointés. Là. Bon, ils ont-tu mis dehors? Écoute, c'est canadien, là. C'est le meilleur canadien. Oui, bien, regarde, il y a plusieurs épreuves là-dedans, OK? Par exemple, là, Harris Chan, qui lui est âgé d'à peine 13 ans, lui a remporté les honneurs dans la catégorie phare qui est le 3x3, le cube 3x3. OK. C'est-tu en combien de temps qu'il t'a résolu ça? Aïe, aïe, je sais pas. Non. D'après toi, donne-moi un chiffre de même. 16 secondes. 14,21. Ah, ben, j'étais quand même pas si pire. Hey, c'est dément, ça. Oui. Le petit gars, il vient de Thornhill, en Ontario. Et c'est ça, il va pouvoir représenter là, le Canada au championnat du monde qui va avoir lieu à Budapest, en Hongrie. C'est à noter. Le cube Rubik, OK, ça a été inventé en 74 par un Hongrois, M. Ernaud Rubik. Ah. Qui voulait, à l'origine, lui, ce qu'il voulait, c'était créer un outil pour ses étudiants de design. Il s'est vendu 300 millions de cubes Rubik sur la planète depuis. Tout le monde connaît ça, là, on s'entend. Là, c'est comme Opération ou le Monopoly. Là, tout le monde a déjà touché un cube Rubik. Mais check bien ça, j'ai encore des chiffres pour deux autres épreuves. Après ça, Vas-y, mon gars. OK, il y a deux records qui ont été battus pendant cet événement-là. Mm. Le premier, OK, c'est l'étudiant de l'Université Southern California, là où les Third Pounders sont disponibles. Ils sont disponibles, ça aide peut-être les cerveaux. Hein. Ouais. Alors, c'est Chris Kruger, l'individu. Il a battu le record du monde en résolvant son cube en 1 minute et 15 secondes. Hey boy! C'est ça, c'est le 4x4, là, le 1 minute et 15 secondes. Non, c'est un 3x3. C'est parce que là, c'est les yeux bandés. On te fournit le cube Rubik, là, tout crache, tout mélangé. Là. OK. Puis on te bande les yeux, puis c'est ça, faut que tu le fasses. Puis y a-tu de l'espèce de patente tactile que tu peux t'aider avec tes doigts? Là? Tu y vas de mémoire à partir du fait qu'il y ait... C'est pas mal ça. Ah ben hey! C'est pas mal ça. Ah ben hey, c'est qui? Ben bravo! C'est pas des mal, cerveaux, hein? Je veux dire. C'est pas mal. Alors, mangez plus de Third Pounder. Ben oui. Craig Bouchard de Kingston, en Ontario, lui, il a fait le 2x2. Et puis, ça a pris 8,75 secondes. Puis, il y avait une autre épreuve aussi, fait notable, là. C'est l'épreuve où on ne peut utiliser qu'une seule main. Hey, n'importe quoi. La tête en bas aussi, dans du jello ou quelque chose. Ouais, ou genre sur la jambe droite seulement et puis un genou à terre. Donc, moi, je prédis que les sénateurs vont gagner la coupe contre les Ducks en finale. Tout à fait. Ouais. Bon, ben, vous venez d'écouter notre section sport. On va aller écouter... présenté par gracieuseté du restaurant McDo. Ouais, excellent de même, le Third Pounder. Fabrique des Olympiens. Ben oui. Des Guillaume, c'est quoi son nom déjà? La tendresse qui vont finalement pouvoir manger d'autres choses que C'est Guy Carbonneau là, qui s'était planté. En fait, ce qui est arrivé, c'est que quand le coach fait sa conférence de presse là, après match, il est devant un gros panneau puis il y a plein de logos de McDonald's dessus. Fait que quand il a annoncé que Guillaume Latendresse faisait l'équipe, après le dernier camp d'entraînement, là, ils ont parlé de chèque de paie, puis ils ont dit, ouais, ben, il va pouvoir s'acheter un steak maintenant, il sera plus obligé d'aller chez McDo. Dommage. Fait que là, il est backé par McDo, tu sais, ça n'a pas de sens, là, c'est ridicule. Fait que là, c'est ça. En tout cas, on Tommy, va vous. Oui. T'as le contrôle. Bon, ben, on s'en va écouter Flock of Seagulls avec I Ran. C'est en 1982. Puis on vient à 70% pour la vraie vie. Merci, Tommy. C'est bon, cette tonne-là. Ben oui, c'est bon, cette tonne-là. Sinon, en background, c'est le LA Guitar Quartet. Canon D de Pachelle Bell. Là, ben, c'est assez. On va l'écouter à Flock of Seagulls. Thank you. Daniel Bélan, vous écoutez 70%. Elle t'a foutu, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie juste de me sortir de là. C'est plein de ninjas. Plein de ninjas certains, oui, on n'a jamais assez des ninjas. C'est toujours bon quand tu mets ça, Tom. Ben oui, je toujours, l'aime bien toujours. Gros. Hein. Là, en background, on a une des tunes qui me fait pleurer le plus. Essaye de parler au ralenti. En quatrième position. Ça tape ses nerfs déjà. De notre décompte. Eh bien, la police indienne a arrêté un homme soupçonné d'avoir tué sa mère à coups de hache avant de s'enduire le corps avec son sang, persuadé que son geste ferait de lui un homme riche. Puis, ça a-tu marché? Es-tu riche? Je vais lire jusqu'au bout, on verra après. Oui, OK. C'est un certain Tushar Kar. Lui, c'est pas le coupable, c'est le policier de Calcutta, en Inde, n'est-ce pas, qui a expliqué mercredi dernier que les enquêteurs cherchaient à déterminer si Ajit Rai, un ouvrier de 23 ans, s'il avait bel et bien tué sa mère sur les conseils d'un sorcier. Parce que la police l'a arrêté mardi soir. Elle a été alertée par des voisins. Et selon les premiers éléments de l'enquête, Rai a d'abord étranglé sa mère âgée de 60 ans avant de la découper en morceaux et de l'enterrer près d'un arbre de son quartier. La superstition reste profondément enracinée dans les régions rurales et nombreux sont les Indiens à croire en la magie noire et des dizaines de personnes sont tuées chaque année en pratiquant la sorcellerie. Oh ben hey. C'est assez spécial. Ça. Pour répondre à ta question, es-tu devenu riche? Je ne sais pas. Mais c'est un fait prouvé que l'Inde est un pays à l'économie émergente et prend de plus en plus de place au niveau mondial. Alors peut-être qu'on devrait... Ah, peut-être c'est genre à long terme et sociétaire que son sacrifice va avoir réussi à fonctionner. C'est tout à fait ça. Quand on les met tout ensemble, c'est comme des plus 2, plus 0 à chaque fois. C'est le langage magique. Qui est en train de prendre le dessus sur Simon Pierre. Oui. Est-ce que tu veux la troisième position? Je veux la troisième position. Okay. J'exige la troisième position. Oui, alors c'est une Australienne folle d'amour pour un détenu qui avait planifié un attentat à la bombe, qui, pour prouver ses sentiments à celui qu'elle voulait épouser, ce qu'elle a fait. Elle a planifié un attentat à la bombe pour prouver son amour à quelqu'un qui était détenu. Alors la dame, c'est Jill Courtney, 27 ans, une Australienne, qui est obsédée par un certain Hussan Kalash, 28 ans. Alors le nom du monsieur est même tatoué sur la demoiselle, sur différentes parties de son corps, n'est-ce pas? Et alors qu'il lui a dit qu'il fera d'elle sa femme si elle mène à bien une mission, les prises n'a pas hésité. Aïe, aïe. Le gars, il a dit, tu vas faire ça. C'est même pas de son propre chef. Elle tripe dessus, elle est ensorcelée. Je sais pas ce qu'ils leur font, mais bon. Alors, c'est peut-être la sorcellerie, mais bon. Madame, donc, s'est renseignée auprès de plusieurs personnes sur la confection d'explosifs, l'achat du matériel nécessaire et s'en est allée gaiement piéger une voiture en plein Sydney. Alors, le plan sera toutefois déjoué par les forces de l'ordre qui, renseignées par un appel anonyme, n'ont pas hésité. Alors, dans l'appartement de l'amoureuse, on retrouvera un détonateur, des produits servant à la fabrication d'explosifs, ainsi qu'une perruque. Alors, la demoiselle, tout à fait lucide, a même détaillé sa mission sur papier. C'était écrit sur la liste de sa main. Se rendre sur place, installer, partir, le faire, aller à la voiture empruntée, se changer, mettre la perruque, rentrer à la maison. Elle avait tout écrit ça pour être sûre de... Pour pas se perdre nulle part. Hein. C'est bien ça. Alors, c'est ça. Ça doit être ça hein, quand ils disent que la religion, c'est pour que les gens s'aiment et tout ça. Mais bon, enfin, on n'en a peut-être pas nécessairement besoin pour s'aimer non plus. N'est-ce pas? J'ai également une pensée, en parlant d'ensorceler, là, pour Myriam Bédard. Pour Myriam Bédard, qui a déclaré la semaine passée qu'elle et Nimza, machin truc, là, étaient victimes d'un coup monté. Puis encore? T'es encore sur le même disque? Hein? C'est que là, il y a un nouveau procès qui a commencé. Ah. Monsieur, pour vol de tableau, c'est ça? Oui, OK, un c'est nouveau coup monté. Exactement. Alors, je sais qu'on suit plusieurs dossiers. Le dossier Bédard, le dossier... Le dossier Lacroix, ainsi que le dossier UQAM, dont on va parler gaiement lundi prochain, parce qu'on va voir Gérald Larose avec nous en studio, l'ancien président de la CIA. Hey, hein, on est-tu blindé à 70%? Moi, je pense que ça n'a pas bien de sens. On va écouter quelque chose qui est sorti de nos studios originaux à nous autres. C'est nous qui l'avons créé à 70%, mettons. Pour vrai? Ben oui. On écoute. « comme dans tous les pays. On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir un beau cul, amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines lui vienne dans le palais. Hein, c'était beau, hein, c'était triste, ça. Nouvelle conne. Tommy, tu sais qu'ici, à 70%, on fait l'apologie de tout ce qui est absurde, stupide, inutile, inodore, en tout cas, tout ça. En fait, okay. 4 personnes ont été blessées vendredi dans un aéroport indonésien par le tir d'un policier qui vérifiait que l'arme de son collègue n'était pas chargée. Le policier a dirigé l'arme vers le sol et a appuyé sur la détente pour vérifier que son collègue s'apprêtait à embarquer à l'aéroport au sud de Sumatra avait bien vidé son chargeur. Évidemment, il ne l'avait manifestement pas fait puisqu'une balle est partie, causant des éclats qui ont blessé 4 personnes qui attendaient au comptoir de la compagnie aérienne nationale Garuda Indonesia. Ouais, les 4 victimes ont été hospitalisées, mais heureusement, fort heureusement, leur vie n'est pas en jeu. Ça aurait été assez, pas fin pour eux autres, mettons. Oui, c'est ça. Les 2 policiers ont été conduits dans un commissariat pour y être interrogés, évidemment. Aïe, il parle moi d'une gang de Gilles. C'est assez Gilles, merci. D'ailleurs, parlant en Gilles, moi, j'aimerais féliciter le peuple québécois qui avait, en fait, ici à Montréal, le musée Marc-Aurèle Fortin, qui était un musée dédié à un artiste unique et, à la portée et au rayonnement mondial. Eh bien, le musée est maintenant fermé, c'est confirmé. Les œuvres de Marc-Aurèle Fortin vont être transférées au Musée des Beaux-Arts. D'ici là, ben, Colin, vous allez devoir aller sur Internet au musée.marc-aurèle-fortin.com si vous voulez voir des belles peintures. Parce que M. Marc-Aurèle Fortin, c'est un aquarelliste qui a commencé beaucoup de choses et qui est mort et passé sa vie au Québec. En fait, pour les plus poussés de la chose, Marc-Aurèle Fortin a fait pour le Québec ce que le groupe des 7 a fait pour l'Ontario et le nord du Canada, c'est-à-dire qu'il s'est baladé partout dans toutes les régions de la province pour la peindre. Dans ce temps-là, il y avait moins de photographies couleurs, donc c'était pratique pour nous. Et c'est en fait dans les seules représentations qu'on a de la vie rurale au Québec pour certaines régions. C'est quelle époque, ça, environ, Marc-Aurèle Fortin? Marc-Aurèle Fortin, il est né en 1888. Il a peint toute sa vie. Il savait qu'il voulait faire ça toute sa vie. Le gros de sa production, en fait, les grands arbres pour lesquels il est reconnu le plus, c'est entre 1920 et 1940. OK. Là, après ça, il a commencé à devenir un petit peu, expérimental. Il est allé faire de la gouache ou de la caséine, qui est une sorte de peinture à protéines laitières qui fait que c'est très mât. Yeah. Et puis, ben, vers la fin de sa vie, il tripait là-dessus bien gros et tout. Là. OK. spécial. Ben oui, je viens de prendre ma petite shot de bleu. Je vais arrêter de vous respirer ça dans les oreilles. Non, c'est ça. En fait, le monsieur est reconnu comme étant le peintre à bicyclette parce qu'il est né étant diabétique. Et puis, ben, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'insuline pour que ça permette de guérir ou en tout cas de passer par-dessus, de pallier. Eh bien, les docteurs, ils recommandaient aux malades de faire beaucoup, beaucoup de sport. C'est pour ça que Marc-Aurèle Fortin se promenait un petit peu partout avec sa bicyclette pour essayer de passer son sucre qu'il avait en trop que son pauvre petit pancréas n'était pas capable de processer. Et puis, ben, il s'est fait reconnaître comme étant le peintre à bicyclette. Toi, Tommy, est-ce que tu es capable de boire le café? De boire le café? Oui. Oui. Moi, j'ai une certaine intolérance. En ce sens, ça me donne des brûlures d'estomac. Ben oui. Mais par contre, pour moi, ou les gens qui aiment le café, mais qui sont trop pressés, il y a un nouveau produit qui existe sur le marché. Ben, conte-moi ça! Ah ouais. C'est des manufacturiers, ça existe, bel et bien, qui ont confectionné le savon café, qui est un savon qui libère de la caféine sous la douche matinale pour les gens trop pressés. Ah ben hey, ok, ça c'est absorbé par la peau, la caféine, fait que ça marche de même. Tout à fait, ça procure le même effet que la consommation de quelques tasses de café, le goût en moins, c'est ça, mais par contre, c'est ça, les savons stimulent le corps pour une durée d'environ 4 heures. Puis ils contiennent, ils ont rajouté du citron puis de la menthe pour masquer l'odeur du café, pour être bien sûr que tu sentes pas tout le corps toute la journée le café. Les belles inventions. Et puis, on est sur une belle planète. Ah hein? Oui, c'est ça. Comment ça va au Darfour avec la avec la famine au Darfour? Ah, ça va bien, ça va bien. Ça ouais. va très bien. Là-bas, ça continue. C'est steady. On oui. va aller écouter un groupe. T'es-tu prêt pour ça? T'as-tu d'autres choses que tu veux dire, mon fiston? Non, mais regarde, on va y aller, on continue la musique, puis en venant, oui. on poursuit avec les positions 2 et 1. 2 et 1 de peut-être, notre super décompte. Ça va être beau, ça. On va écouter Cock the Hammer avec nos amis qui sont, bien sûr, comment qu'on les appelle, là? C'est quoi? Ben, en tout cas, on va peser play, là, vous allez les reconnaître, là. Dure semaine au bureau, J'aime bien inviter des amis à la maison pour partager un repas. Malheureusement, il y a le cancer du sein. C'est pour cette raison que j'achète le riz Uncle Ben's. Le riz Uncle Ben's, c'est un très très bon riz. En vente cette semaine chez Provigo. Comme toutes les communautés, la communauté juive est diversifiée. C'est la position numéro 2. Vous savez, chez les Juifs, il y a des athées, bien sûr. Il y a des pratiquants modérés, puis il y a des croyants, ultra-orthodoxes, comme les Hassidim. Alors, les Hassidiques pratiquent ce qu'on appelle le Peria Metzitsa, qui consiste en la circoncision des jeunes enfants. Jusque-là, ça va. Au cours de ce rituel, le mohel, qui est comme un mola, mais mohel, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe le prépuce du bébé, il pèle la doublure du prépuce hors du gland, retire le tissu muqueux avec son ongle, prend le pénis du bébé dans sa bouche, aspire le sang, puis recrache le prépuce. À préciser que ce ne sont pas tous les mohels qui prennent le pénis du bébé dans leur bouche, mais certains le font. OK. Et c'était le cas du rabbin Yitzhak Fischer, qui en 2004, le rabbin Fischer, a pratiqué des circoncisions religieuses sur plusieurs enfants. C'est dégueu, hein? Ben, c'est louche. C'est malsain. C'est là. Louche. Là. Ben, check ça. C'est que le problème avec ce rabbin-là, c'est qu'il avait une herpès buccale. Il a infecté 3 bébés et l'un d'eux est mort. De l'herpès buccale, de la circoncision buccale que l'autre mola a de... Hey, c'est weird, hein? Ouais. Où c'est qu'il a pogné ça, une herpès buccale? C'est un feu sauvage ou... Peut-être sur un autre bébé d'avant, mais non. Ça traîne n'importe où, ces affaires-là. Ouais, c'est ça, en faisant le ménage. Ouais, mais c'est ça. Je le sais pas, mais ce qui est le plus douloureux là-dedans, ben, tu sais, il n'y a eu aucune poursuite. L'État de New York a dit « Non, on poursuit pas parce que c'est la religion. » Parce que c'est la religion. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une transmission de maladie aussi, là, je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y avait comme une responsabilité de faire ça. Je veux dire, tu peux pas, sous le couvert de faire une circoncision, donner une maladie à quelqu'un. Là. Toi, si tu vas chez le chirurgien là, puis te donne l'herpès, là... Ouais, je vais être pas content. Là. Tu le poursuis-tu? Ben oui. Bon. Ben, c'est ça, OK. On s'est compris, bon. T'en as-tu une autre de même, ça? C'est numéro 2, on y va-tu pour le numéro 1? On y va en première place, oui. Celle-là est un petit peu longue, OK, je m'en excuse. Je vais essayer de faire ça vite, alors... C'est pas grave, si c'est le numéro 1, elle doit valoir la peine, parce que le numéro 2 est assez solide, là. Ben, elle vaut la peine dans son envergure, dans l'envergure que ça a. Ouh, donc... Et dans l'impact que ça a sur chacun de nous. Ah ben, Colin, hein? Ouvrez ça, ces oreilles-là. Tu sais, moi, si les enfants des autres, s'ils croient en quelque chose, puis que leurs enfants crèvent d'un herpès, je m'en fous. C'est pas les miens. Ouais. J'ai pas, tu sais, c'est leur choix. Ouais. Mais bon, celle-là, par exemple, là, celle-là, on est impliqué là-dedans. Alors, bon, il y a seulement 4 pays industrialisés qui n'ont pas encore ratifié le protocole de Kyoto. Ces pays-là, ce sont les États-Unis. Ça fait mal. 36%, je pense, ou 64%. Des émissions... 36%, eux autres tout seuls, c'est ça. Ouais, bah oui. Il y a le Liechtenstein et Monaco, dont on se fout éperdument, c'est comme la ville de Longueuil. Ouais. Et l'Australie. Et en mars 2001, les États-Unis, les States, ils ont décidé de se retirer de l'accord. L'Australie a suivi. Parce qu'eux, ils suivent ce que les Américains ils font. C'est John Howard qui est le premier ministre là-bas et qui a indiqué... devant le Parlement qui a ratifié ce texte, le protocole de Kyoto entraînerait par ailleurs des licenciements en Australie et porterait préjudice à leur industrie. Oh. Ça, c'est le leitmotiv qui est avancé par George Bush. Alors, on peut noter, entre parenthèses comme ça, que l'Australie est effectivement le premier producteur mondial de charbon. Et puis que pas très loin de là, il y a juste un océan à traverser. À peine on se rend en Chine et en Inde, puis eux, ils consomment beaucoup de ça. OK. Alors, ce qui arrive, c'est que maintenant, il y a, en cette ère australe, il y a sécheresse. Et M. Howard a averti le mois dernier que sans une pluie salvatrice, n'est-ce pas, l'irrigation à l'agriculture serait coupée tu sais, on coupe l'irrigation complète à l'agriculture dans le bassin des fleuves Murray-Darling, qui est une importante région de culture du sud-est du pays, là où se trouvent les principales villes du pays. Ah ben oui. Où le niveau des barrages ne dépasse pas les 6 % de la capacité. Ah ben voyons donc. La sécheresse en Australie, qui est la pire depuis au moins un siècle, a déjà provoqué une chute dramatique de la production agricole et de sévères mesures de rationnement dans les zones urbaines. Alors, tantôt, on parlait « fuck le Kyoto, ça va nuire à notre économie, gna gna gna ». Alors, qu'est-ce que le premier ministre australien John Howard a appelé mercredi ses compatriotes à faire pour que sèche la sécheresse séculaire que subit le pays? Prier. C'était en plein dedans, Tommy. C'est exactement ce qu'il a fait. Le monsieur, il a dit, je le cite, « Elle nous touche tous, cette sécheresse, et je dis, sans aucun soupçon d'ironie, vous devriez tous continuer à prier pour plus de pluie, car nous en avons vraiment, vraiment besoin. » C'est, tu vois ce que je voulais dire quand ça dit que ça nous touche tous, que ça a un impact, là, la stupidité d'un individu comme ça. Puis, qui est arrière, élu, qui est à la tête d'un grand pays. Tout à fait. Puis en arrière de quel masque il se cache, tu sais, pour essayer de trouver. C'est comme si l'être humain n'était pas capable de prendre en charge sa propre destinée, que c'était quelqu'un avec une barbe et une canne à quelque part dans le ciel. Quelque part dans le ciel qui pouvait décider à notre place. C'est le bon Dieu qui décide où c'est qu'on s'en va. Non, on a un certain pouvoir, mesdames, messieurs, je vous le dis. Alors bon, John Howard, c'est la blague de l'arroseur arrosé. Hey, c'est dément. Non, t'as pointu l'arroseur arrosé? L'arroseur arrosé? Arrosé, non. Petit sécheresse, puis. En tout cas, s'il y a un auditeur qui l'a pogné, celui-là, vous nous écrirez. Non, mais tu sais, l'arroseur arrosé, tu sais, il est en sécheresse. Oui. En sécheresse, Tommy. Oui, donc. Ah, puis ça, c'est une belle première. Pareil, moi, je l'aime. Hein, c'est, ouais, c'est... un peuple au complet qui se ramène à avoir comme solution de prier pour avoir de la pluie parce qu'ils ont décidé avant de pas vouloir bloquer quelque chose qui était pour faire, qui était pour manquer de pluie, pour pas perdre d'emploi. C'est que signer le protocole de Kyoto, ça garantit pas qu'il y aura pas de sécheresse. Ben non. Sauf que, tu sais, faut aller dans la bonne direction. C'est ça. Faut faire partie de la solution plus que du problème, là. Oui. Alors, on va checker ça dans les prochaines années, à quoi ça va ressembler, les prochaines sécheresses. Parce que l'Australie, c'est déjà le continent le plus sec, sur la planète. Ben oui. Puis en plus, je pense qu'eux autres, ils ont la variante, le trou dans la couche d'ozone, jusque-là. Donc, s'ils sortent dehors pendant quelques instants, il faut absolument qu'ils se mettent de la crème parce que sinon, ils brûlent de toute façon. Oui, c'est oui, je dis tout ça, à fait possible. En connaissance de cause, je connais des Australiens et je leur ai parlé. Hey, on va aller écouter quoi, là? The Art's Filthy Lesson ou non, Allo Space Boy de David Bowie. Il me semble que j'ai fait jouer Allo Space Boy une couple de fois. On va écouter The Art's Filthy Lesson. Ça a-tu de l'allure, ça? Ça a de l'allure. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y a aussi le premier ministre polonais qui c'est Jaroslav Kaczynski. Lui, il n'a pas de compte de banque. Il verse tout son salaire à sa maman. C'est ce qu'il a déclaré la semaine passée à l'hebdomadaire Vprost. Vprost. Tout à fait. Du il vit toujours. Le premier ministre polonais vit toujours chez sa maman, à qui il remet son chèque de paye. Hey, ça fait réfléchir. Bon, ok, on va écouter de la toune, là. On écoute David Bowie, The Art's Filthy Lesson. On vous revient pour le dernier bloc de cette émission 100% 70%. Something in our blood, something in our sky. 14, Saint-Louis 26, Milwaukee 9, Pittsburgh 18, Chicago 23, Arizona 14, San Francisco 28, Los Angeles. Ouh, c'est lourd des scores de baseball, c'est lourd le baseball. Il y a d'autres choses qui sont lourdes, mais il y en a qui sont plus légères. On va y aller à la légère et puis on va écouter Simon-Pierre Bilodeau et le comique de la semaine. Oui, le comique de la semaine, en fait, c'est tiré d'une chronique judiciaire. C'est un incident qui s'est passé le 13 mai 2004 vers 21h15. Un certain agent de police, M. Éric Monfette, s'absente pour aller quérir des gants de latex. On est au commissariat en ce moment. Pourquoi des gants de latex? Lui seul le sait. Profitant de la situation, un certain Giancarlo Calari, qui vient de se faire arrêter, un 31 ans, se penche et ingurgite une importante quantité de cocaïne qui se trouvait dans ses chaussures. C'est pas arrêté pour ça, vous voyez le genre. Alors, au bout d'une minute, l'agent Sylvain Hull, qui remarque le manège de Calari, en fait part à l'agent Monfette, qui est de retour avec les gants de latex. Alors, tous deux interviennent alors pour empêcher le prévenu d'ingurgiter les sachets transparents. Un troisième policier, l'agent Auger le Duc, arrive à la rescousse. Tous trois incitent Calari, qui a des traces de poudre autour de la bouche, à recracher les sachets. On le prévient qu'il peut faire une surdose, mais M. Calari a tout avalé et ne recrache pas. Après une fouille démontrant qu'il n'a plus aucune drogue sur lui, Calari est placé en cellule d'isolement. Calari estime que le soir de l'incident, le manque de vigilance des policiers a fait qu'il est devenu une menace pour lui-même. Calari reproche donc aux policiers d'avoir manqué de vigilance, de l'avoir ensuite laissé capoter, comme il dit lui-même, seul dans sa cellule pendant une demi-heure pour finalement le maîtriser avec un pistolet électrique. Son avocat soumet dans la poursuite que depuis l'événement, Calari accuse un record intellectuel notable, qu'il a fait une dépression et qu'il n'a... Ouais, c'est sûr que quand tu pognes une débarque d'un high de même, qu'il a fait une dépression et qu'il n'a pas pu trouver d'emploi depuis. Tiens donc. Aux ambulanciers, il reproche d'avoir laissé faire des policiers. Alors, outre les dommages exemplaires, c'est pour les inconvénients et stress, il réclame des sommes pour dommages physiques, incapacité et expectative de vie et perte d'opportunité pour une somme totale de 430 000 $. Quoi? Alors, M. Calari, pour toutes ces raisons, je vous accorde, avec tout ce que cela représente, implique et entraîne, le toujours très disputé, mais jamais convoité titre de comique de la semaine. Bien dit, bravo, oui! Bravo, ça n'a un beau, ça n'a un beau. Il est pas mal. Ça n'a un beau. Et puis, c'est quoi, t'as une petite nouvelle Sunday de cerise de vers la fin pour aller ajouter à ça? Ben regarde, pour ajouter à ça, j'avais d'autres comiques de la semaine. C'est vraiment, là, cette semaine, ça n'a pas été facile parce que, savais-tu que le gars qui a placé 100$ dans BTB Consolidated en 2003, la compagnie, là, okay. En 2003, celui qui a mis 100$ avait seulement, il restait seulement 29$ en 2006. Juste l'année passée, ça a planté de 36%. Et si on compare, parce qu'il y a plusieurs secteurs financiers, et dans le secteur dans lequel Abitibi figure, qui est les compagnies qui sont comme elle, l'indice boursier, lui, a grimpé de 38% en 2006 et de 66% depuis 3 ans. Ouf. Eux, c'est exactement l'inverse. Puis c'est ça, en 2006, M. John Weaver, qui est le PDG d'Abitibi Consolidated, a obtenu une rémunération globale de 2,28 millions de dollars. On peut rajouter qu'il est 800 000 de plus que son homologue de chez Cascade qui lui fait un meilleur film. Fait un bon tableau. Est-ce que tu connais Hunter Harrison? Non. 5127,06 de l'heure. C'est ça, Hunter Harrison. Mmh. C'est le grand patron du CN, du Canadien National, et qui, avec une rémunération de 17,3 millions de dollars en 2006, est le PDG le mieux payé chez les dirigeants des grandes entreprises québécoises. Quelqu'un qui fait 40 000 piastres par année, là, lui, ça lui prend 7 semaines environ pour gagner ce que monsieur fait en une heure. Et c'est ça. Ce qui arrive, check bien ça, c'est que les PDG, ils sont payés en salaire, oui, mais il y a aussi les primes, il y a le régime de retraite, le départ, il y a les options d'achat d'actions, tout ça, qui sont exercées. Et puis, quand tu passes à la caisse, parce que tu t'en vas vendre tes options, tout ça, mais le salaire, évidemment, il passe en format sur-stéroïdé, là, ça n'a pas de sens. Ah ben oui. Et puis lui, M. Hunter Harrison, ben, il y en a pour 96,4 millions de dollars en réserve de ces belles options d'achat. Alors, j'aimerais rappeler à nos chers auditeurs de 70% que les travailleurs du Canadien National, après avoir fait la grève cette année pour améliorer leurs conditions de travail, ont été forcés de rentrer au travail par une loi spéciale. Hein? Tout à fait. Ben, mais c'était pas public, ça, le Canadien National? J'étais sûr que c'était public. Privatisé. Ouais, okay. Non, c'était privatisé. Ah ben. Oui, je crois bien. Ah ben. Fait que là, le monde qui font la grève, ils ont des lois spéciales pour être obligés de forcer de retourner au travail parce que le gars, il a 17 millions de salaire puis 96 en passif, mettons. Non, en actif, hein, qui va rentrer éventuellement. Okay. Et puis au Darfour, comment ça va là? Ah, je sais pas, mais je te conseille le Third Powder Burger. Ah oui, qui est en spécial. Et ouais. Bien sûr, mes chers collègues et en fait mes concitoyens de l'Australie, n'oubliez pas que, comme les grands spécialistes ont statué, la meilleure solution pour guérir la crise de sécheresse qui sévit sur le pays, c'est de prier Dieu. Tout à fait. Et voilà. Vous avez écouté ce soir. Ah, tu veux dire, je veux rajouter quelque chose? Ben, c'est que si les gens se sentent tristes, moroses suite à l'écoute de notre émission et qu'ils veulent changer les idées, eh bien, il y a toujours un match de baseball en savourant un bon Third Pounder Burger. Burger. Ben, si on oublie tout, il n'y a plus de problème. Aucun autre problème. Ben, de toute façon, on vous revient la semaine prochaine à 70%. On vous laisse avec des Arrogant Worms, Wayne Gretzky Rocks, et puis des pointages de la Ligue nationale de baseball. Très intéressant. Washington 37. Floride 35. Merci. Merci Tommy. Houston 40. Merci Simon. 19. Milwaukee 23. Pittsburgh 27. Chicago 39. Arizona 28. San Francisco 31. Los Angeles 40. San Diego 32. Washington 18. Floride 24. New York Mets 36. Atlanta 27. Philadelphie 22. Houston 23. Saint Louis 44. Pittsburgh 39. Milwaukee 14, Chicago 12, Arizona 8, San Francisco 47. Walter Gretzky had a son, he grew up to be the great one. He came from Brantford, Ontario, he liked Gordy. Americans don't understand the national sport of the Northland. The world's best game, they're always dissing, but they don't know what they are missing. If they just watch Wayne Gretzky play, then they'd watch hockey every day. Actually, I like the Hawks, but boy, oh boy, Wayne Gretzky rocks. All right. When I lived in Edmonton, he made the city a champion. The Orient Cemento by his side, he built a bridge in the city with pride. Then he moved out to L.A. to help bring hockey to the USA. Everyone hated Peter and Jenna for trading the best players.